Hey. Hey. Ça n'arrive pas qu'aux autres, hein. Aux côtés des condamnés à tort, des nouveaux-nés battus, donnés pour un vendu dans ce monde où la vie valait de la thune. Te fatigue pas, même la mort se demande comment voler ma plume. Faut que j'évacue, que je rende hommage à tous ceux qu'on ne verra plus. Ça n'arrive pas qu'aux autres, hein, des bavures à coups de bottes, hein. La faucheuse veille au gras, le bonheur se montre au teint. On y passe tous, je vide mes cartouches, mais qui sera le prochain? Rejoignant les cieux, ne laissant que les yeux aux siens. Une moitié de moi qui observe et l'autre si à moi ce qu'il parle. Les mains moites au chevet de maman à l'hôpital. L'habitude de se battre autant que l'Oris Colombini. Pas demain qu'on se posera la question, quand est-ce qu'on en finit? Quand la corde au cou, je me rappelle de Jean-Philippe. Et j'anticipe, ça sent le suicide. Et je voudrais plus que 100 disciples. Des hommes de foi ou pédophiles, pas difficile d'être illicite. Ça l'est bien plus de vivre ici. La violence est légitime, je vois défiler les victimes. Mes cousins, orphelins, ma cousine derrière une vitrine. Quand même la science ne pourra t'expliquer pourquoi je compatis avec Marcus, combattant cette ambiance sournoise. Ça n'arrive pas qu'aux autres, tu t'en souviendras sur là. Et tes proches le comprendront par l'intermédiaire du journal. Mais qui sera le prochain? Y'a pas de bonne façon de souffrir, donc ça se terminera toujours mal. Qu'est-ce que tu croyais? Méfie-toi la mauvaise carte, quête à chaque coin de rue, je rime. Des condamnés à tort, des nouveaux-nés battus, donnés pour un vendu dans ce monde où la vie valait de la thune. Te fatigue pas, même la mort se demande comment voler ma plume. Faut que j'évacue, que je rende hommage à tous ceux qu'on ne verra plus. Ça n'arrive pas qu'aux autres, hein, se noyer sous les potes, hein. Trop de beaux rien, il est snowboardien pour des potes, hein. La justice a pris soin de se planquer dans un corps sain, propre à mes propos, même si les choses se corsent, hein. Un jour tu gagnes, un jour on te pète les reins. Un jour tu crames, un jour tu crèves pour rien. Si tu pensais que t'étais le seul implorant le ciel, toi, t'es comme un flic face à la petite Florence Rey. Combien de femmes soumises, combien commettent de l'adultère? Combien se sont faites duper par l'identité du père? Mauvais endroit, mauvais moment où tous les coups sont permis. Né pour mourir sous les yeux de Geneviève l'ermite. Tout est écrit, donc lisez bien jusqu'à la dernière ligne. Quand la souffrance se soucie peu d'être privé de l'air libre. Le monde à terre monde, atterrir dans le pays des fables. Aussi faut que de croire que de Gelder est le mec idéal. L'humain m'a tué, trempé de sang, j'écris des calligrammes calibrés. Je ne squatte pas les bras de Sylvie Calibra. Le mental de Spartiate, autant que Mustapha Khalifa. N'oublie pas qu'il n'y a pas qu'aux autres à qui ça arrivera. Qu'est-ce que tu croyais? Méfie-toi la mauvaise carte, quête à chaque coin de recul. Je suis pas étonné que tu sois resté. C'est la vraie vie, non? Ici, on n'arrête pas de vivre avant de crever pour vrai.